Alors. Bah, j'ai quelques bons souvenirs, mais j'ai un souvenir assez mystique, donc voilà, je vais vous parler de ça. Oui. C'était à Marrakech en 2006, et j'étais tranquille, je m'apprêtais à passer une après-midi de farniente au bord de la piscine, et j'ai deux amis que j'avais rencontrés quelques jours avant, puisque j'étais parti seul en vacances, qui me proposent de venir avec eux à une excursion, et j'étais pas trop chaud. Et puis ils étaient assez insistants, et puis ils étaient sympas, et puis ils m'ont motivé, ils m'ont décidé, donc je les ai accompagnés. Et c'est bizarre de parler de ça, quoi. Bon, c'était le jardin de Majorelle, donc à Marrakech. Oui. Et c'est un jardin botanique, etc. Avec des oiseaux, des. Enfin voilà, c'est comment dire. C'est un endroit assez paradisiaque avec des poissons, des oiseaux, des tas de choses, et des cactus, et puis une végétation hors norme. Parce qu'en fait, ce monsieur Majorelle, c'était un peintre, si je dis pas de bêtises. Et au début, je sais pas, du siècle dernier, de mémoire, il a un peu tourné dans le monde entier, et il a récolté des espèces d'arbres, voilà, des choses comme ça, et puis il en a fait un jardin, quoi. Bah, au détour d'une allée, je vois une lumière assez bizarre. Bon, j'avais un appareil avec moi, un appareil photo. Et puis je prenais pas mal de photos. Et puis je me suis dit, je me suis dit que j'allais prendre ce rayon lumineux en photo, ce qui n'a aucun sens en fait. Et en fait, cette espèce d'halo, quoi, il transperçait les cimes d'un arbre gigantesque. Et je sais pas, il y avait un truc assez mystique. Donc je me suis dit, je vais faire une photo, voilà. Il n'y aura rien sur la photo, juste un. Bon, voilà. Et donc la journée, très bonne journée, etc. Bon, je rentre à l'hôtel en fin de journée, je termine mon séjour, je rentre chez moi, je regarde les photos que j'ai faites. Et puis je tombe sur cette photo. Et je décide de faire un agrandissement de l'épicentre du rayon lumineux, quoi. Et donc je fais un agrandissement, je vois rien, je fais un autre agrandissement, etc. Je fais plusieurs agrandissements jusqu'à ce que je distingue un truc assez incroyable. En fait, je cherche le nom du peintre qui a peint la scène. La scène, c'est Jésus entouré de ses apôtres, etc. Et en fait, voilà, il y avait une douzaine de silhouettes, mais vraiment distinctes, hein. Il y avait Jésus qui était. Moi, je suis pas du tout croyant, quoi, à la base. Enfin, je crois que ce que je vois, et je crois, enfin, davantage en moi qu'en. Enfin, bon, bref. Et donc, je vois Jésus avec des. Qui est face. Enfin, qui est au centre de la photo. Avec des gens autour de lui, vraiment, ouais, une douzaine, allant du plus clair au plus foncé, du plus imberbe au plus poilu, voilà. Et voilà, il était sous une pergola, enfin, ce petit monde était sous une pergola en extérieur, dans un jardin, et voilà. Et donc, je me suis dit que c'était un truc de fou. Donc, j'ai essayé de sauvegarder l'agrandissement de la photo, et j'ai effacé l'original et l'agrandissement, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Donc en fait, votre meilleur souvenir En fait, est... je ne savais pas, j'ai réfléchi à ça tout à l'heure, je me dis je vais raconter ça. En fait, au moment où vous avez pris la photo, vous n'avez pas vu tous ces personnages. Vous Non, avez vu le halo lumineux. c'est Donc en ça. fait, lors du voyage, vous n'avez pas vu l'image. L'image est le résultat de la photographie. C'est ça. Donc le voyage en lui-même, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce voyage? Ouais, je peux vous en dire un peu plus. Le voyage pour aller au Maroc ou juste pour aller à cet endroit-là? Pour aller à cet endroit-là, déjà, comment est-ce que vous êtes allé au jardin? Bah, j'y suis allé en car. Ouais, il y avait 30 minutes de route à peu près. Et puis j'ai laissé tomber. Enfin, je me suis séparé des deux amis qui m'accompagnaient. Eux étaient partis ensemble, ils étaient très potes. Et puis ils avaient 10 ans de moins que moi. Et je me suis dit, voilà, je vais faire mon truc à moi. Et puis on se retrouvera à la fin de la visite, quoi. Mais le jardin est dans Marrakech, donc vous-même vous logiez où à ce Moi, je logeais moment-là? dans un hôtel. C'était dans un centre de fête, voilà, c'était en vacances, un truc tout clé en main, voilà, dans un club de vacances. Donc au bord de la mer, C'est ça. En dehors de Marrakech. Non, à Marrakech. Vous étiez à Marrakech, mais vous avez quand même mis 30 minutes en car pour aller jusqu'à... Ouais, peut-être 20 minutes, oui, mais ouais. D'accord, ouais, enfin ouais. vous étiez, c'était Ouais, pas ouais. très loin. Non. Et après, donc, après cette expérience de visite, comment vous êtes ressorti du jardin? Bah, je suis ressorti émerveillé parce que c'était très joli. Mais, enfin voilà, j'ai juste vu des petits poissons, des oiseaux, j'ai fait des perruches, des choses comme ça. Et puis des cactus, des palmiers. Voilà quoi. Et vous vous souvenez de ce que vous avez fait après, une fois que vous êtes sorti, vous avez repris un car, vous êtes rentré. Voilà, Ou c'est ça. qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Et la soirée, après la visite, Je me souviens pas de la vous ne vous soirée. souvenez pas particulièrement. Non, je me C'est souviens pas de juste la le soirée. halo de lumière dans le jardin et ensuite le résultat sur la photographie. Voilà, C'est en ça arrivant, je... ouais. le fil le plus important. Voilà, 15 jours après, quand je suis rentré chez moi, je me suis assis sur mon canapé, j'ai regardé les photos de vacances et je suis tombé sur cette photo et je me suis dit, ouais, bon, elle est pas vilaine, mais enfin, voilà, aucun intérêt finalement, quoi. Donc voilà, j'ai fait un agrandissement, de l'agrandissement, de l'agrandissement, de l'agrandissement, et je suis tombé sur vraiment. Hein, j'ai halluciné. Hein. Mais cette visite au jardin, elle avait continué de vous habiter pendant tout le voyage ou simplement le souvenir est revenu en regardant vos photographies? Oh non, non, j'ai fait plein de trucs, non. Non, non, non, je pensais plus à ça du tout, quoi. Oui, donc sur le coup, pendant le voyage, la visite au jardin n'était pas plus importante que l'ensemble du voyage, Non. finalement. C'est après coup qu'elle a pris toute son Bah importance. ouais. Mais c'est un truc de fou, hein. Moi, quand je le raconte, on me dit que je devais être bourré ou je sais pas quoi. Et je suis pas bourré, j'étais pas bourré. Et voilà, quoi. Et je me suis dit après pourquoi cette photo je l'ai effacée sans le faire exprès. Et je me suis dit que. Bah peut-être que. Voilà, c'était pour éviter. C'était peut-être. Voilà, c'est un. Pas une preuve, mais voilà, ça ouvrait le champ des possibles sur quelque chose que, finalement qui m'échappait. Et que voilà, je pouvais pas en faire. Enfin, retirer des. Enfin, voilà, quoi. Je pouvais pas exploiter cette chose pécuniairement parlant. C'était juste. Parce que, évidemment, cette photo, je l'aurais montrée. Et puis j'imagine qu'on me l'aurait achetée. Et que... Mais c'est un truc de fou, quoi. Et cet événement-là, dans votre vie, a une place très singulière. Oui, vous est déjà arrivé de vivre des choses comme ça, un peu étranges. Il m'est arrivé d'échapper à des situations assez bizarres, ouais. Assez spéciales. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ouais, bon, bah, à l'armée notamment, j'étais dans un centre de tri et puis enfin bon, de fil en aiguille, on se chamaille un peu avec un soldat et on se court après. Et moi, je le regarde pendant que je suis dans un centre de tri et je cours, mais comme si j'étais sur une piste de 100 mètres, quoi. Et à un moment, je cours en direction d'un bureau, sauf que je vois pas le bureau puisque je regarde la personne qui me poursuit. Et là, il y a quelque chose qui m'attrape, en fait, et qui m'évite de me prendre le truc, quoi, en fait. J'ai senti quelque chose, une main qui m'agrippait, alors que le mec était 3-4 mètres derrière, quoi. Donc voilà, ça c'est assez bizarre, ça m'a évité peut-être de me faire très mal, sûrement. Une autre fois aussi à la piscine, j'étais bien plus jeune. C'était avec l'école, et j'étais sur un plongeoir de 1 mètre qui rebondissait, et je le sentais pas de plonger. Bon, ça c'est à la rigueur, bon, c'est juste peut-être que j'ai eu du bol, quoi. Et en fait, j'ai sauté du plongeoir de 1 mètre sur le carrelage qui était mouillé. Et ma tête a fracassé. Enfin, ma tête s'est partie en arrière du poids de tout mon corps. Enfin, je devais faire 20 kilos. Et ma tête a rebondi contre une bouée, en fait, qui se trouvait là, quoi. Et il n'y aurait pas eu la bouée, je me serais explosé la tête, quoi. Bon, je vous remercie Bah, je beaucoup vous en pour cet prie. entretien. Je vous en prie. Merci.